C'est le temps du bloc de l'Ouest, la musique de l'Ouest canadien. Oui, déjà, le temps file. On va y aller avec Isabelle Longnus. J'ai reçu des nouvelles de elle. Il y a une photo que j'ai mise sur ma page Facebook. Elle est avec François Lalonde. Et puis, elle travaille sur un nouvel album. Il est terminé. Ils sont au mastering. Donc, l'album devrait arriver là, peut-être... je ne sais pas d'ici l'automne, mais je dirais peut-être en début d'hiver, là, genre janvier-février. Donc, à suivre, nouvel album d'Isabelle Longnus. On va se rappeler un beau souvenir de Code Bleu. Ça fait au moins 3 ans que c'est sorti, ça, j'en suis certain. Les Agneaux, très bonne pièce, très courte, mais très rythmée. Très, très bon texte également. Donc, j'adore ce que Isabelle Longnus fait, cette Française de Marseille qui, depuis au moins, je vous dirais, 25 ans minimum, est franco-colombienne. Elle est de Vancouver. Donc, comme on va entendre, Les Agneaux, très bonne pièce. Toujours de Vancouver, il y a Loïc Morin que j'ai découvert cette année. Je pense que son album est disponible à l'APCM. www.apcm.ca, sinon faites Loïg Morin, Loïg Morin. On va écouter la pièce Paradis, très intéressant ça aussi, un peu une pop européenne française, sa voix, son timbre de voix me fait beaucoup penser à Marc Lavoine, donc assez intéressant comme produit, très beau texte, très belle musique. Très entraînant, vous allez entendre ça dans Paradis qui s'en vient dans quelques instants. Mais là, on y va avec Isabelle Longnus, Les Agneaux. Aux imams, aux curés, aux rabbins et autres gourous magiciens, savez-vous que vous devenez obsolète? Vos agneaux sont devenus prophètes. Ils savent faire la morale, plagier des citations et de leur ordi prescrivent notre absolution. Y'a que les politiques qui se recyclent et la connerie qui se composte. Y'a que les politiques qui se recyclent et la connerie qui se composte. Aux gauchistes, aux droitistes, aux centristes et autres échos anarchistes, savez-vous que vos moutons pacifistes font glisser des votes racistes? Ils tweetent les révolutions, jouent à la guerre avec dévotion. Les bigots humanistes sont des arrivistes. Y'a que les politiques qui se recyclent et la connerie qui se composte. Y'a que les politiques qui se recyclent et la connerie qui se composte. Y'a du bœuf, des poules dans les poissons et du cochon dans les bonbons. Les agneaux mangent du jambon sans porc et font semblant d'aimer le folklore. Y'a plus d'abeilles dans les fleurs, mais du poison dans les tracteurs. Les agneaux de Monsanto nous bouffent la laine sur le dos. Y'a que les politiques qui se recyclent et la connerie qui se compose. Y'a que les politiques qui se recyclent et la connerie qui se compose. Je défends ma planète, je suis une écolo. Je nourris mes enfants au bio. Je roule en électrique, j'aime le fric et les écoles laïques. La chair et le vin, non, je ne crois pas au divin, ni aux humains. J'aurais dû être féministe dans les années 70. Y'a que les politiques qui se recyclent et la connerie qui se composte. Y'a que les politiques qui se recyclent et la connerie qui se composte. Y'a que les politiques qui se recyclent et la connerie qui se composte. Y'a que les politiques qui se recyclent et la connerie qui se composte. Les jours passent, les rêves, le monde, les palaces en surface. Poursuivons, si vous le voulez, avec un petit bloc Saskatchewan. Il y a Jorage de Pontex qui s'en vient. La pièce titre de leur mini-EP, Jorage. Très intéressant comme mini-EP. Là, ça a l'air qu'il y a un album qui s'en vient d'ici peut-être quelques mois, là, fin février, mars. À suivre, bien sûr. J'espère qu'on aura droit à avoir un premier extrait. Je vais parler à mon chum Alain pour voir s'il y a des nouvelles là-dessus. Mais Pontex s'en vient avec un nouvel album complet, donc au moins une dizaine de chansons. C'est à suivre. Excellent groupe de la Saskatchewan, de Pontex en Saskatchewan. Donc, par la suite, on va entendre Annick Granger et L'eau, tiré de son album « Aimer comme une émeute ». Madame Granger travaille en ce moment sur un album, un nouvel album. Ça a l'air un petit peu plus compliqué qu'elle pensait, mais elle travaille très fort. Quand est-ce que ça viendra? Sûrement au printemps, si ce n'est qu'à l'automne prochain. Donc, bien entendu, on va écouter la pièce « L'eau » avec un jeune guitariste qui est avec elle, un jeune guitariste du nom de Rick Hayward. Oui, ou Rick Hayward. Le jeune guitariste, bon, je dis ça à la blague, il a joué avec Never the Key au Québec. Excellent guitariste. On va l'entendre sur cette chanson-là. C'est génial. Et elle vient de sortir un petit EP assez intéressant, de bonnes pièces, assez longues, un peu planant, mais très intéressant. C'est Véro qui, ces jours-ci, a ouvert, si je ne me trompe pas, pour Madame Clopelgag dans le cadre des coups de cœur francophones à Vancouver. Donc ça s'en vient avec la pièce « Miroir noir ». Thank you. emportés par le courant, envolés avec le vent. Si je te dis que je t'attends, je mens, je veux ton temps impatiemment. Si je te dis allons lentement, je mens. Tu sais que là-bas, tu sais que là-haut, au-delà de toi, y'a que les oiseaux qui savent où ils s'en vont. Mais il y a en moi les flots, comme la rivière, comme le ruisseau. Dans le moment, même amoureuse, profondément, si je te dis que je t'attends, je mens. Tu sais que là-bas, tu sais que là-haut, au-delà de toi, y'a que les oiseaux qui savent où ils s'en vont. Mais il y a en moi les flots, qui passe sous les... te voir autrement. Une chose certaine, je peux plus faire semblant. Mais ça fait du bien quand je sais que t'es loin. Pour moi, c'est ce vieux chagrin dans le clair-obscur qui se pointe. Si je pouvais cacher ce qu'il y a en dedans, des fois dans ma tête, mon miroir intérieur me ferait du bien. Ça ne vaut jamais la peine, malgré qu'on le fait souvent, de se fendre en quatre pour une maudite job et un appartement qui est sale. Alors qu'est-ce que je fais, moi, là-dedans? Rien qu'à sortir les poubelles puis à brûler mon encens. Si je faisais un tour chez le psychiatre, peut-être façon de te faire peur. Suivre Véro, artiste, jeune artiste de la Saskatchewan. Très intéressant. C'est le temps de remercier des gens qui m'aident à rentrer chez vous comme ça et à vous offrir de l'excellente musique franco-canadienne. Merci à Vanessa Lisabelle de l'Arc du Canada. Merci beaucoup au directeur, directrice de programmation des stations suivantes, CHMR Saint-Jean-Terre-Neuve-Labrador, CKJM Chéticamp, WFM 98 Halifax, CFAB Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse. Il y a CKMA Miramichi Nouveau-Brunswick, CHUO, la radio de l'Université d'Ottawa et CFRH, la radio francophone du comté de Simcoe de la région de Barrie en Ontario.